les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Gérard de Nerval se demandait que va-t-il arriver quand les hommes s'apercevront qu'il n'y a plus de soleil. Le soleil ne se leva pas pour lui au lendemain d'une nuit de janvier 1855, rue de la Vieille Lanterne à Paris. Avant cela, le goût pour les personnages assurant une continuité entre le passé et le présent, pour l'état contemplatif du mystique et évidemment l'état contemplatif du poète. Des visions, une folie non violente, des séjours en maison de santé, séjours volontaires. Et les souvenirs. Moi, je tâche d'oublier les livres et ce qui me charme, c'est de revoir cette vieille abbaye derrière laquelle nous nous cachions, Sylvie. Sylvie, Adrienne, tombée, fantôme blanc. Anthologie française, première diffusion sur la chaîne nationale, le 15 octobre 1958. Anthologie française. La radiodiffusion télévision française présente Gérard de Nerval, une émission de Georges Charbonnier, avec Michel Bouquet, Pascal Mazotti, Henri Virelogeux et Rosie Wart, avec le témoignage de Stanislas Fumet. Assistant René Raymond, réalisation Georges Gravier. Un jour, un cheval s'échappa d'une pelouse qui bordait l'Aisne et disparut bientôt entre les halliers. Il gagna la région sombre des arbres et se perdit dans la forêt de Compiègne. Ce n'est pas un accident rare qu'un cheval échappé à travers une forêt, et cependant, je n'ai guère d'autre titre à l'existence. Incapable de supporter une remontrance, celui à qui avait été confiée la garde du cheval rassemble ses hardes, quitte la ferme paternelle, traverse la forêt de Compiègne et gagne un petit pays situé entre Ermenonville et Senlis, près des étangs de Chalis. Là vivait un de ses oncles fort âgé. Le fuyard se fixe chez cet oncle, cultive la terre et, pour récompense, épouse sa cousine. Leur fille est nommée Marie-Antoinette Laurence. Je n'ai jamais vu ma mère. Ses portraits ont été perdus ou volés. Je sais seulement qu'elle ressemblait à une gravure du temps, d'après Prudhon ou Fragonard, et qu'on appelait la modestie. Après la mort de sa mère, Gérard est confié à un oncle qui vivait à Montmagny, un village voisin d'Ermenonville. Dans le grenier de la maison, l'oncle a entassé des livres. Ce sont les écrits des occultistes du XVIIIe siècle, les ouvrages des alchimistes, et les premières lectures de l'enfant le plongent dans le tournoiement des images poétiques. L'or, la pierre philosophale, les vieux mythes égyptiens, les tarots, les dieux, le grand œuvre, les prédictions, les prophéties, la cabale, le sens caché des noms et des nombres, le secret des symboles, toutes les obscurités fulgurantes, donnent à Gérard le goût du caché, de l'au-delà, et lui fournissent un langage poétique. Hermès, mémorial fatidique, livre sibyllin, horoscope, lettre cabalistique, la doctrine des Rose-Croix dévoilée. Mauvais œil, prophéties diverses, dictionnaire mytho-hermétique. Flosse rosinée métalliquée, fleur de soufre, fleur de soleil, blancheur étincelante et plus brillante que celle de la neige. Le serpent qui entoure le monde est béni lui-même, car il relâche ses anneaux et sa gueule béante aspire la fleur d'Angsoka, la fleur soufrée. La fleur éclatante du soleil. Il a paru possible à certains critiques, et notamment à Le Breton, d'interpréter des poèmes de Nerval à l'aide des figures des tarots et des écrits des alchimistes. Il serait possible d'interpréter de cette manière le premier sonnet des chimères « El desdichado ». Selon ses critiques, l'interprétation du premier quatrain du sonnet exigerait le recours au tarot. Carte 15, dites le diable. Typhon, le mauvais principe. Il a des ailes de chauve-souris, des pieds et des mains de harpie. À la tête de vilaines cornes de cerf. Le prince des ténèbres. Je suis le ténébreux. Le veuf. L'inconsolé. Le prince d'Aquitaine. Carte 16. Dites la tour foudroyée. Maison Dieu, château de Plutus, la maison par excellence. C'est une tour remplie d'or, c'est le château de Plutus. Il tombe en ruine, et ses adorateurs tombent écrasés sous ses débris. La tour foudroyée. La tour abolie. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Carte 17. Dites l'étoile. On y voit une étoile brillante, et tout autour, sept autres plus petites l'entourent et lui font leur cours. C'est Sirius. Ma seule étoile. Ma seule étoile est morte. Et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Les trois autres strophes du poème concerneraient le grand œuvre des alchimistes. Et c'est vers leurs écrits qu'il faudrait se tourner pour analyser la fin d'El Desdichado. Il est dit qu'il faut mettre le roi au tombeau pour le réduire en cendres et le faire ressusciter. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posilippe et la mer d'Italie. Proserpine cueillit une fleur de Narcisse lorsque Pluton l'enleva pour en faire son épouse et partager avec elle l'empire des enfers. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé. Si Vulcain surprit Vénus avec le dieu de la guerre, c'est que la couleur de rouille de fer semble être tellement unie avec la couleur citrine et safranée appelée Vénus, qu'on ne les distingue qu'après que le rouge est dans tout son éclat. Alors Mars et Vénus se trouvent pris dans les filets de Vulcain, et le soleil qui les y voit les décèle, car la couleur rouge est précisément le soleil philosophique. Et la treille ou le pampre à la rose s'allie. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine, à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posilippe et la mer d'Italie. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose s'allie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai, deux fois vainqueur, traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. La lecture des alchimistes, des pronostiqueurs, des occultistes déjà fournit à l'enfant les principaux éléments de langage poétique et déjà enflamme une imagination rebelle à distinguer le réel et l'imaginaire, le monde intérieur et le monde extérieur. La synthèse pratique est pour Gérard une intuition de l'enfance et non un cauchemar de la vieillesse. Les actes de Nerval seront des actes poétiques et non des actes sociaux. La société dira bien vite que Gérard est fou. D'autres dangers menaçaient l'enfant. La maison de mon oncle était toute pleine de voix mélodieuses. Et celle des servantes qui nous avaient suivis à Paris chantaient tout le jour les ballades de leur jeunesse, dont malheureusement je ne puis citer les airs, car tout cela est profondément oublié. Ce secret en est demeuré dans la tombe des aïeuls. Quand Jean Renaud de la guerre revint, il en revint triste et chagrin. Bonjour ma mère, bonjour mon fils. Ta femme est accouchée d'un petit. Allez, ma mère, allez devant. Faites-moi dresser un beau lit blanc, mais faites-le dresser si bas que ma femme ne l'entende pas. Et quand ce fut vers la minuit, Jean Renaud a rendu l'esprit. Ah, dites, ma mère, mamie, ce que j'entends pleurer ici.

sainte napolitaine aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche, tombez, vous insultez nos dieux, tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle. La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. L'histoire de Gérard de Nerval n'est pas l'histoire d'un amour irréalisable pour une mortelle. C'est l'histoire d'un enfant qui, trop jeune, sut revêtir d'une fiction poétique sa vision la plus intérieure. Le poète avait porté sur soi un diagnostic poétique. La médecine eut du poète une vision médicale. La névrose. Et chaque fois qu'il étreignit son fantôme, la société l'enferma. Des corridors sans fin. Des escaliers où l'on monte, où l'on descend, où l'on remonte, et dont le bas trempe toujours dans une eau noire agitée par des roues sous d'immenses arches de pont, à travers des charpentes inextricables. Monter, descendre, ou parcourir les corridors, et cela pendant plusieurs éternités. Serait-ce la peine à laquelle je serais condamné pour mes fautes? J'aimerais vivre. En 1841, à la clinique de la rue Picpus. La même année, à Montmartre, à la clinique du docteur Esprit-Blanche. En année 1849, à la clinique du docteur Rossandou. Érysipèle, troubles mentaux. En 1851, à la clinique du docteur Dubois. Excitation maniaque. En 1853... Maison docteur Dubois. Une dernière fois, du mois d'août 1853 au mois de mai 1854, à la clinique du docteur Blanche. Cyclothymie. Je marche encore dans les ténèbres. Le mal est plus grand que vous ne pensez. Cependant, je n'ai rien fait qu'on puisse me reprocher. Et je n'ai fait de tort qu'à moi-même. Aussi n'a-t-on pour moi que de bons procédés, et personne n'a paru s'étonner de certaines excentricités que je me reproche. Je croyais voir un soleil noir dans le ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des Tuileries. Que l'on entende bien que la folie de Gérard de Nerval, s'il faut employer ce terme, n'offre aucun caractère de violence. Il est difficile de prendre parti sur les visions du poète tant elles sont rationnellement intégrées dans son œuvre. D'ailleurs, ces visions, nous les connaissons par Gérard de Nerval. Et nous savons que les séjours que le poète fit dans différentes maisons de santé sont des séjours volontaires. Gérard de Nerval se présentait lui-même pour solliciter du repos et des soins. Le poète a, dans l'œuvre d'art, si fortement accolé le réel et le poétique que la critique doit hésiter longuement avant de décider que là est le rêve et là le réel. Tout fait œuvre d'art dans les poèmes et les écrits de Nerval. Il n'est d'ailleurs pas plus facile dans ses poèmes de séparer ce qui relève de la mystique et ce qui n'en relève pas. Nerval a écrit des poèmes tout imprégnés de mysticisme sans qu'il soit possible de voir en Gérard de Nerval un poète chrétien. Quand le Seigneur, levant au ciel ses maigres bras, sous les arbres sacrés, comme font les poètes, se fut longtemps perdu dans ses douleurs muettes, et se jugea trahi par des habits ingrats, il se tourna vers ceux qui l'attendaient en bas, rêvant d'être des rois, des sages, des prophètes. Mais engourdi, perdu dans le sommeil des bêtes, et se prit à crier « Non, Dieu n'existe pas !» Il dormait. Mes amis, savez-vous la nouvelle? J'ai touché de mon front à la voûte éternelle, je suis sanglant, brisé, souffrant pour bien des jours. Frères, je vous trompais. Abîme, abîme, abîme, le Dieu manque à l'autel où je suis la victime. Dieu n'est pas, Dieu n'est plus. Mais il dormait toujours. Il reprit, tout est mort, j'ai parcouru les mondes et j'ai perdu mon vol dans leur chemin lacté. aussi loin que la vie en ses veines fécondes répand des sables d'or et des flots argentés. Partout, le sol désert côtoyé par des ondes, des tourbillons confus d'océans agités, un souffle vague émeut les sphères vagabondes, mais nul esprit n'existe en ces immensités. En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite vaste, noire et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos, dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. Immobile destin, muette sentinelle, froide nécessité, hasard qui, t'avançant parmi les mondes morts sous la neige éternelle, refroidit par degrés l'univers pâlissant, sais-tu ce que tu fais, puissance originelle, de tes soleils éteints, l'un l'autre se froissant? Es-tu sûr de transmettre une haleine immortelle entre un monde qui meurt et l'autre renaissant? Ô mon Père, est-ce toi que je sens en moi-même? As-tu pouvoir de vivre et de vaincre la mort? Aurais-tu succombé sous un dernier effort de cet ange des nuits que frappa l'anathème? Car je me sens tout seul à pleurer et souffrir. Hélas, et si je meurs, c'est que tout va mourir. Stanislas fumait. Nous savons que, dans la vie de Gérard de Nerval, il y a des crises de mysticisme. Nous savons que, d'autre part, il a écrit des poèmes tels que « Le Christ aux oliviers ». Il me semble que la réunion de ces deux remarques permet de se demander, de se poser une question. Est-ce que les valeurs du poète sont voisines ou tout à fait distinctes des valeurs du mystique? Est-ce que, lorsque l'on est poète, on peut brutalement être mystique? Est-ce que lorsque l'on est poète, on est toujours mystique? Ou, au contraire, peut-on être poète sans être mystique? Ou n'y a-t-il aucun lien entre les deux possibilités, être poète, être mystique? Je comprends très bien votre question. Ce qui est sûr, c'est que Gérard de Nerval avait une nature mystique. Et c'est cela qu'il a porté à ses recherches dans les profondeurs et dans le mystère, précisément, dans le mystère des choses, dans le mystère du temps, en retournant vers le passé et en y trouvant des rapports avec le présent qui lui faisaient croire qu'il y avait une continuité entre les personnages du passé et les personnages présents qu'il a pu rencontrer. Lorsque je dis que c'était une nature de mystique, je ne veux pas dire qu'il ait été ce que l'on appelle, ordinairement ou théologiquement plutôt, n'est-ce pas, un mystique. Un mystique est quelqu'un qui a des rapports avec Dieu, qui reçoit de Dieu des grâces, qui les voit alors que les autres sans doute y resteraient aveugles, et qui a au fond de lui-même, ou plutôt qui a au fond de lui-même quelque chose qui le met dans un état contemplatif, lequel n'est pas sans relation avec l'état contemplatif du poète, proprement dit. C'est certain, j'ai été très frappé par des mots que vous avez employés. Vous avez dit que le mystique voit des grâces qu'un autre probablement ne verrait pas. Si je retire grâce et si je conserve voix et un autre ne verrait pas, j'ai exactement ce que je vois dans tout Nerval. C'est cela, car nous avons constamment une analogie entre l'expérience poétique et l'expérience mystique. C'est là-dessus que les poètes modernes ont mis l'accent. Ils ont parlé d'exercice spirituel en parlant de la poésie. Cela peut tout de même tromper si l'on croit que le poète, en tant que poète, a des expériences comparables à celles du mystique. Parce que pour le poète, cela se passe dans l'imaginative, n'est-ce pas ? Et pour le mystique, ça se passe dans la réalité même de son âme, au point que ça lui donne un amour de Dieu tellement grand qu'il est capable d'avoir une héroïcité dans sa vie que le poète n'a même pas soupçonné. C'est certain, mais alors une objection. Je pense que vous avez ajouté Dieu, mais je suppose que je retire Dieu à tout ce que vous avez dit et tout ce que vous avez dit du mystique. Dans ce cas, ça s'applique exactement au poète. Vous avez dit dans la réalité profonde de son âme, mais c'est exactement comme cela que ça se passe pour le poète. La réalité du poète, non, que vous placiez dans son imaginative. Ah oui, mais l'imaginative, ce n'est pas du tout l'âme, c'est l'esprit. c'est la sensibilité et c'est l'esprit, mais ce n'est pas du tout l'âme. L'âme est quelque chose dont, par exemple, la poésie moderne, à quelques exceptions près, n'a pas vraiment la notion. Et l'âme, c'est la chose la plus difficile. Vous distinguez donc âme et esprit? Ah, complètement, complètement. Parce que l'esprit, l'intellect est quelque chose qui est donné à tous les hommes, comme la raison et comme les facultés de penser. Tandis que l'âme est en nous l'être absolument mystérieux que seul Dieu peut réveiller et peut faire agir. Si bien que les gens aujourd'hui vivent dans leurs sens et dans leur cerveau. N'est-ce pas? Ils sont d'une grande sensibilité, ils peuvent être d'une grande sensibilité, ils peuvent être puissamment intelligents, mais la plupart du temps, à mon avis, leur âme dort. Et lorsque vous prenez les confessions des saints, des mystiques, n'est-ce pas, vous y trouvez tout autre chose que dans la poésie. Mais il y a cette merveille parce que tout est dans tout. On y trouve une poésie aussi. Oui, mais elle est tout à fait secondaire et ils s'en défendent. Ils s'en défendent parce qu'elle gâte un petit peu ce qu'ils ont à dire. Les mystiques ont toujours dit, après avoir exprimé des choses merveilleuses, n'est-ce pas, mais ce que je dis n'est rien à côté de ce que j'ai ressenti. Mais il ne me touche que parce qu'il m'a dit, et je ne suis sensible qu'à sa poésie. Et à supposer que je puisse être sensible à Dieu, je ne serai sensible à Dieu que par sa poésie. Oui, seulement alors pour l'artiste et le poète, c'est tout à fait autre chose. À mon avis, lorsqu'il est très grand, il ne vit pas dans ce qu'il dit. Il dit quelque chose qui est au-dessus de lui, c'est ce qu'on appelle le génie. Et toutes les fois qu'on l'a rencontré dans la vie, ça m'est arrivé, un grand poète, j'ai remarqué que son esprit, alors, était dépassé par son génie et qu'il ne pouvait pas mesurer lui-même l'importance de tout ce qu'il avait vu et dit. Tandis que le saint, c'est tout le contraire. Le saint pleure de ne pas pouvoir exprimer mieux ce qu'il y a en lui, alors que l'artiste et le poète se dépassent. L'essentiel de son œuvre très abondante, Gérard de Nerval l'a écrit pendant les séjours qu'il fit dans des maisons de repos. La force n'a pas manqué à celui que l'on disait fou pour organiser les images de son délire poétique, la force ni le talent. La culture du poète était immense, il avait été un brillant élève. Il était encore au collège Charlemagne que déjà ses poèmes étaient publiés. Il avait 20 ans en 1828, lorsqu'il publia une traduction de Faust que Goethe avait approuvée. « Je ne me suis jamais si bien compris qu'en vous lisant », avait-il écrit à Nerval. Pour Théophile Gautier, son condisciple, et pour tous les romantiques, Gérard Labruni, qui choisit le pseudonyme de Nerval. « Nerval, de Nerva, empereur romain. Mais si. » Pour tous ceux qui l'aimaient, il fut Gérard. Vous l'avez aperçu 20 fois. Vous êtes son ami. Et il ne vous reconnaît pas. Il marche dans un rêve, comme les dieux de l'Iliade marchaient parfois dans un nuage. Seulement c'est le contraire. Vous le voyez et il ne vous voit pas. Il s'arrêtera 1 heure à la porte d'un marchand d'oiseaux, cherchant à comprendre leur langage, d'après le dictionnaire phonétique laissé par Dupont de Nemours, qui a déterminé 1500 mots dans la langue seule du rossignol. À minuit, tout le monde pense avec terreur à son portier. Et quant à lui-même, il a déjà fait son deuil du sien, et il ira se promener à quelques lieux, ou seulement à Montmartre. Un tel homme ne craint pas les voleurs, ils le connaissent. Non qu'il soit pauvre toujours, quelquefois il est riche. Mais ils savent qu'au besoin, il saurait jouer du couteau, ou faire le moulinet à 4 faces, en s'aidant du premier bâton venu. Pour le chausson, c'est l'élève de Losès. Il n'ignore que l'escrime, parce qu'il n'aime pas les pointes. Et n'a jamais appris sérieusement le pistolet, parce qu'il croit que les balles ont leur numéro. Pas un cercle entourant quelque chanteur ou quelque marchand de cirage, pas une rixe, pas une bataille de chiens où il n'arrête sa contemplation distraite. L'escamoteur lui emprunte toujours son mouchoir, qu'il a quelquefois, ou la pièce de 100 sols qu'il n'a pas toujours. Voilà le train de Strasbourg encore raté. Où va-t-on? Dans les carrières de Montmartre. Elles sont fermées aujourd'hui. Aux carrières de Clignancourt. Tout se perd, les voleurs sont partis. À Clichy. Voir la police sortir les clochards des tuyaux à gaz. Souper à la Maison d'Or. Je ne soupe pas dans la haute. Ah, au Hall. Trop tôt. À Londres. Trop loin. Rue Richelieu, à la Boulange. Au Palais Royal. Voir le Sauvage au Café des Aveugles. Aux Natations. Au Bal des Chiens. À la Société Lyrique des Troubadours. Non. Allons plutôt derrière l'ancien cloître Saint-Honoré, chez le rôtisseur. À la grand-pinte, quand le vent fait grincer l'enseigne en fer blanc, alors qu'il gèle, Dans la cuisine, on voit briller toujours un tronc d'arbre au foyer, flamme éternelle où rôtissent en chapelet oison, canard, dindon, poulet au tournebroche. Et puis, le soleil jaune d'or sur les casseroles encore darde et s'accroche. Vois-tu, moufeton, t'es pas fait pour ce métier-là, vive la nuit. Tu t'obstines, mais tu pourras pas. Le bouillon de poulet te soutient, c'est vrai. Mais la liqueur t'abîme. T'as des palpitations et les pommettes rouges le matin. T'as l'air fort parce que t'es nerveux. Oh, tu feras mieux de dormir à cette heure-ci. De quoi? Ah, dis-là, est-ce qu'il faut pas que je fasse mon état, moi? C'est les chagrins qui m'ont fait boire. Pourquoi est-ce qu'Augustine m'a trahi d'abord? Ouais, elle t'a trahi sans te trahir. Oh, ouais, tiens. C'est une baladeuse, voilà tout. Écoute, je te parle comme à ma mère. Hein. Ouais. Si elle revient, je te promets, c'est fini. Je me range. Je me prends un petit fond de bain bleuterie et puis je l'épouse. Oh, encore une bêtise. Mais puisqu'elle m'a dit que j'avais pas d'établissement. Ah, jeune homme, cette femme-là, ce sera ta mort. Ouais, bah, elle sait pas encore la roulée qu'elle va recevoir. Oh, mais tais-toi donc. C'est pas toi qui es capable de corriger une femme. Moi ? Hé, dites donc, là, vous, hein, on va chez Niquet. Où le père Niquet, dont les cerises à l'eau de vie avaient fait la réputation sous l'Empire, avait fait installer des conduites d'eau tout autour de la salle. En cas de rixe, on arrosait les combattants. Au besoin, on fermait hermétiquement les portes de la salle. L'eau montait, la paix revenait toujours. De l'eau de vie, tu sais bien que ça t'est défendu. Ah bah alors, un petit verre. Mon amour de Polly, tu es si gentil avec tes beaux yeux noirs. Ah, si j'étais encore ce que j'étais. Oh, mais j'en vais s'y mauvais. Un autre verju. Toi, t'es bien gentil aussi, mon petit fils. Tu m'appelles le petit Basse, qui était si gentil avec ses canettes et son abou d'engueuleté. Ah, c'était un homme aux oiseaux, mon petit fille, aux oiseaux, va. C'est un bel homme comme toi. Ah, vous savez pas, mes enfants, j'étais une des merveilleuses de ce temps-là. J'ai eu des bagues à mes doigts de pied. Il y a des mirliflores et des généraux qui sont battus pour moi. Ben tout ça, c'est la punition du bon Dieu. Où est-ce qu'il est à présent, ton phaéton? Oh, le bon Dieu. Bon Dieu, c'est le diable. Alors, le diable, c'est le diable qui est le bon Dieu. Ouais. On en revient toujours au même. Affreux paralogisme, comme ce peuple est ignorant. L'éducation, je m'y suis livré bien longtemps. Ma philosophie me console de tout ce que j'ai perdu. Mais un petit verre. Oh, j'accepte. Si vous me permettez de définir la loi divine et la loi humaine. Au soleil levant, Gérard sortait et se réfugiait pour dormir dans l'atelier de Théophile Gautier. Dormir n'était pas indispensable. Voyager paraissait préférable. Sans bagages, sans faire aucun adieu, sans argent, il s'en allait parcourir l'île de France. Il prenait la diligence. Peut-être la seule voiture en France qui ne soit pas suspendue. Mesdames et messieurs, les voyageurs voudront bien descendre de voiture sur les ponts et passer prudemment à pied. Évitez les disputes avec les voituriers entre les mains desquels ils se trouvent. Et ne jamais quitter leurs armes. Gérard, qui s'est endormi aux côtés de Monsieur Prudhomme, se réveille dans le Valois où s'écoula son enfance. Voilà ce que je vis. Les arbres sur ma route fuyaient mêlés, ainsi qu'une armée en déroute. Et sous moi, comme ému par les vents soulevés, le sol roulait des flots de glèbes et de pavés. Des clochers conduisaient parmi les plaines vertes leurs hameaux aux maisons de plâtre, recouvertes en tuiles, qui trottaient ainsi que des troupeaux de moutons blancs marqués en rouge sur le dos. Et les monts enivrés chancelaient. La rivière, comme un serpent boa sur la vallée entière étendue, s'élançait pour les entortiller. J'étais en poste, moi, venant de m'éveiller. Déjà les beaux jours, la poussière, un ciel d'azur et de lumière, les murs enflammés, les longs soirs, et rien de vert. À peine encore un reflet rougeâtre décore les grands arbres aux rameaux noirs. Ce beau temps me pèse et m'ennuie. Ce n'est qu'après les jours de pluie que doit surgir en un tableau le printemps verdissant et rose, comme une nymphe fraîche et close qui souriante sort de l'eau. Là est l'équilibre du poète. Le voyage justifie la fuite et la poursuite d'un but. Il faut partir, il faudrait ne jamais arriver. Si loin est le but, si éloigné le départ. Et Gérard parcourt l'Île-de-France, le Valois, où s'écoula son enfance, la Hollande, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, l'Orient. Au Caire, Gérard loue une villa. Que dit-il ? Il vient vous rapporter l'argent que vous avez donné pour louer la maison. Et pourquoi ? Quelle raison donne-t-il ? Il dit que l'on ne sait pas votre manière de vivre, qu'on ne connaît pas vos mœurs. A-t-on observé qu'elles fussent mauvaises ? Oh, ce n'est pas cela qu'il entend, il ne sait rien là-dessus. Alors, il n'en a pas bonne opinion ? Il dit qu'il avait pensé que vous habiteriez la maison avec une femme. Mais je ne suis pas marié. Oh, cela ne le regarde pas, que vous le soyez ou non. Mais il dit que vos voisins ont des femmes et qu'ils seront inquiets si vous n'en avez pas. D'ailleurs, c'est l'usage ici. Que veut-il que je fasse ? Et que vous quittiez la maison ou que vous choisissiez une femme pour y demeurer avec vous. Une femme ? Oh, ne vous embarrassez pas, monsieur. Prêtez-moi plutôt attention. 4 solutions s'offrent à vous. Et qui sont ? La première est d'épouser une fille copte devant le Turc. Qu'est-ce que le Turc ? C'est un brave santon à qui vous donnez quelque argent, qui dit une prière, vous assiste devant le caddie et remplit les fonctions d'un prêtre. Ces hommes-là sont des saints dans le pays. Ils ne s'inquiètent pas de votre religion si vous ne songez pas à la leur. Mais ce mariage-là n'est pas celui des filles très honnêtes. Bon, passons au suivant. Oui, celui-là est un mariage sérieux. Vous êtes chrétien et les coptes le sont aussi. Et il y a des prêtres coptes qui vous marieront, quoique schismatiques, sous la condition de consigner un douaire à la femme pour le cas où vous divorceriez plus tard. C'est très raisonnable. Mais quel est le douaire ? Cela dépend des conventions. Il faut toujours donner au moins 200 piastres. 50 francs. Ma foi, je me marie, ce n'est pas cher. Oui. Et il y a encore une autre sorte de mariage pour les personnes très scrupuleuses. Ce sont les bonnes familles. Vous êtes marié devant le prêtre copte, il vous marie selon son rite, et ensuite, vous ne pouvez plus divorcer. Mais quelle est la quatrième sorte de mariage ? Celle-là, je ne vous conseille pas d'y penser. On vous marie 2 fois, à l'église copte et au couvent des franciscains. C'est un mariage mixte ? Un mariage très solide. Si vous partez, il vous faut emmener la femme. Elle peut vous suivre partout et vous mettre les enfants sur les bras. Alors, c'est fini. On est marié sans rémission. Il y a bien des moyens encore de glisser des nullités dans l'acte, mais... À Mannheim, Gérard rend visite au docteur Widmann, bourreau de la ville. Le docteur Widmann lui montre le sabre dont se servait son père et lui fournit toutes les explications nécessaires. Nous nous étions imaginés jusque-là que l'on enlevait la tête, fort simplement, d'un bon coup de sabre, de dragon ou de cimeterre à la turque, et l'instrument que nous avions sous les yeux confondait nos idées. Le tranchant était en dedans, comme celui d'une serpette. De plus, la lame était creuse et contenait du vif argent, afin que l'élan étant donné au sabre, ce métal, se portant vers la pointe, rendit le coup plus assuré. Ainsi, toute l'adresse du docteur consiste à combiner un mouvement de rotation autour du col qui, avant de toucher l'os, enlève presque toute la chair. On ne tranche donc pas la tête, on l'accueille, pour ainsi dire. Pour reprendre le mot d'Alain, on pourrait dire que Gérard de Nerval, pour lutter contre la névrose, s'est donné une douche de spectacle. Ses voyages, ses excursions nocturnes ne sont pas autre chose. Et le retour est toujours un désenchantement, même lorsque Gérard retrouve Sylvie la dentelière. Comment peut-on aller si loin ? Je m'en étonne en vous revoyant. Oh, cela se dit. Et convenez que vous étiez moins jolie autrefois. Je n'en sais rien. Vous souvenez-vous du temps où nous étions enfants ? Et vous, la plus grande ? Et vous, le plus sage ? Oh, Sylvie. On nous mettait sur l'âne, chacun dans un panier. Et nous ne nous disions pas à vous ? Te rappelles-tu que tu m'apprenais à pêcher des écrevisses, sous les ponts de la Thève et de la Nonnette ? Et toi, te souviens-tu de ton frère de lait qui t'a un jour retiré de l'io ? Le grand frisé. C'est lui qui m'avait dit qu'on pouvait la passer, Léo. Sylvie, regarde, les étangs, la chapelle, le cloître, le château d'Henri IV. C'est un paysage de Walter Scott, n'est-ce pas ? Et qui vous a parlé de Walter Scott ? Vous avez donc bien lu depuis 3 ans. Moi, je tâche d'oublier les livres. Et ce qui me charme, c'est de revoir avec vous cette vieille abbaye où, tous petits enfants, nous nous cachions dans les ruines. Vous souvenez-vous, Sylvie, de la peur que vous aviez quand le gardien nous racontait l'histoire des moines roux? Oh, on ne m'en parlait pas. Alors, chantez-moi la chanson de la belle fille enlevée au jardin de son père sous le rosier blanc. On ne chante plus cela. Seriez-vous devenue musicienne? Un peu. Sylvie. Sylvie. Je suis sûr que vous chantez des airs d'opéra. Pourquoi vous plaindre? Parce que j'aimais les vieux airs. Et que vous ne saurez plus les chanter. Et vous, comme vous avez lu plus que moi, vous êtes un savant. Adam Martin, il y a 3 belles filles. Il y en a une plus belle que le jour. Ah, méchante. Méchante. Où sont nos amoureuses? Elles sont au tombeau. Elles sont plus heureuses dans un séjour plus beau. Elles sont près des anges, dans le fond du ciel bleu. Et chante les louanges de la mère de Dieu. Oh, blanche fiancée, ô jeune vierge en fleurs, amante délaissée, que flétrit la douleur. L'éternité profonde souriait dans vos yeux. Flambeaux éteints du monde, rallumez-vous aux cieux. Parfois, le thème du visage de femme hors d'atteinte s'allège. Ce n'est plus qu'un effleurement de la mélancolie. Elle a passé, la jeune fille, vive et preste comme un oiseau. À la main, une fleur qui brille. À la bouche, un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui, venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclairerait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'a lui, parfum, jeune fille, harmonie. Le bonheur passait, il a fui. Parfois, c'est une chanson. Belle épousée, j'aime tes pleurs. C'est la rosée qui sied aux fleurs. Les belles choses n'ont qu'un printemps. Semons de roses les pas du temps. Soit brune ou blonde, faut-il choisir? Le dieu du monde, c'est le plaisir. L'ouvrage le plus significatif de Gérard de Nerval est Aurélia. Dans Aurélia, Gérard de Nerval intègre à l'œuvre d'art sa lucidité, ses visions, sa névrose. On pourrait presque dire qu'il donne la recette de cette intégration. Le passage qui va suivre consiste précisément dans une synthèse du réel et de la vision. C'est parmi les autres que la vision poétique s'intègre dans la vision de Nerval. Parmi les autres, dans la rue, au café. Je me perdis plusieurs fois dans les longs corridors. Et en traversant une des galeries centrales, je fus frappé d'un spectacle étrange. Un être d'une grandeur démesurée, homme ou femme, je ne sais, voltigeait péniblement au-dessus de l'espace et semblait se débattre parmi des nuages épais. Manquant d'haleine et de force, il tomba enfin au milieu de la cour obscure, accrochant et froissant ses ailes le long des toits et des balustres. Il était coloré de teintes vermeilles et ses ailes brillaient de 1000 reflets changeants. Ensuite, j'entrai dans un atelier où je vis des ouvriers qui modelaient en glaise un animal énorme en forme de lama, mais qui paraissait devoir être muni de grandes ailes. Ce monstre était comme traversé d'un jet de feu qui s'animait peu à peu, de sorte qu'il se tordait, pénétré par 1000 reflets pourprés formant les veines et les artères, et fécondant, pour ainsi dire, l'inerte matière, qui se revêtait d'une végétation instantanée d'appendices fibreux, d'ailerons et de touffes laineuses. C'est que nous avons ici le feu primitif qui anima les premiers êtres. Jadis, il s'élançait jusqu'à la surface de la Terre. Mais les sources en sont taries. Ne pourrait-on créer aussi des hommes ? Les hommes viennent d'en haut et non d'en bas. Pouvons-nous créer nous-mêmes ? Ici, l'on ne fait que formuler par les progrès successifs de nos industries une matière plus subtile que celle qui compose la croûte terrestre. Cet animal qui semblera vivre n'est que le produit de l'art élevé au plus haut point de nos connaissances. Et chacun les jugera ainsi. Gérard, il n'est pas très tôt, mais je rentre. Je t'accompagne ? Oui, c'est ça. On rentre à pied avec toi, n'est-ce pas ? Non, non. Mais... je ne rentre pas chez moi ce soir. Mais pourquoi où vas-tu ? Vers l'Orient. Les étoiles brillaient dans le firmament. Tout à coup, il me sembla qu'elles venaient de s'éteindre à la fois. Comme les bougies que j'avais vues à l'église. Je crus que les temps étaient accomplis et que nous touchions à la fin du monde annoncée dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je croyais voir un soleil noir dans le désert et un globe rouge de sang au-dessus des Tuileries. La nuit éternelle commence et elle va être terrible. Que va-t-il arriver quand les hommes s'apercevront qu'il n'y a plus de soleil ? À travers des nuages rapidement chassés par le vent, je vis plusieurs lunes qui passaient avec une grande rapidité. Je pensais que la Terre était sortie de son orbite et qu'elle errait dans le firmament comme un vaisseau dématé, se rapprochant ou s'éloignant des étoiles qui grandissaient ou diminuaient tour à tour. Quel sera leur étonnement en voyant que la nuit se prolonge ? Gérard ! Gérard, qu'avez-vous ? Je ne sais. Je me suis perdu. Le Christ n'est plus. Ils ne le savent pas encore. Voyons, n'est-il pas vrai qu'il y a un Dieu ? Oui ! Gérard est interné une sixième fois au mois d'août 1853 à la clinique du docteur Blanche. Au mois de mai 1854, le poète quitte la clinique. Aussitôt, il part pour l'Allemagne où repose sa mère, au cimetière catholique polonais de Grossglogau. Marie-Antoinette Laurence avait suivi le docteur Labruni et le père de Gérard pendant la campagne de Russie. Elle était morte à 25 ans, d'une fièvre gagnée en traversant un pont chargé de cadavres où sa voiture avait manqué d'être renversée, et le pèlerinage de Gérard commence. 1er juin 1854. Baden. 4 juin 1854. Strasbourg. 5 juin 1854. Karlsruhe. 10 juin. Bruchsal. 11 juin. Stuttgart. 18 juin. Munich. 19 juin. Augsbourg. 20 juin. Donavers. 21. Nuremberg. 27. Neuenmark. 28. Leipzig. Je marche encore dans les ténèbres. Le mal est plus grand que vous ne pensez. Cependant, je n'ai rien fait qu'on puisse me reprocher. Et je n'ai fait de tort qu'à moi-même. Aussi n'a-t-on pour moi que de bons procédés. Et personne n'a paru s'étonner de certaines excentricités que je me reproche. La veille de son arrivée à Glogau, Gérard descend à l'hôtel et chante toute la nuit. Je n'ai pas de montre et le jour paraît de bonne heure. Est-ce que j'ai dérangé quelqu'un ? Il fallait me le dire. Monsieur sait bien ce qu'il fait. Pas toujours. 29 juin. On m'a mené voir où Poniatowski a péri, dans l'Elster. La rivière est petite, mais d'une rapidité qui fait comprendre tous les malheurs qu'elle a causés. 12 000 Français y ont trouvé la mort et y ont été jetés. J'avais les larmes aux yeux en écoutant tous les détails de ces désastres. Grossglogau. Je n'ai jamais vu ma mère. Ses portraits ont été perdus ou volés. Je sais seulement qu'elle ressemblait à une gravure du temps, d'après Prudhon ou Fragonard, qu'on appelait la modestie. Gérard ne fera pas d'autre voyage. À Paris, ses forces ne lui permettent plus de se défendre contre la misère, le froid, de séparer le réel et les images de l'au-delà. Son père lui refuse toute assistance. On lui offre des secours, 100 sous, un repas qu'il accepte, un vêtement qu'il refuse. Un soir, il cherche refuge dans un cabaret misérable rue de la Vieille Lanterne. Et le lendemain, on découvre pendu à une grille de la rue le corps de Gérard Labruni, dit Gérard de Nerval. Le mort avait conservé son chapeau sur la tête. Près du corps se trouvait la femme qui a déclaré n'avoir rien vu et a été relâchée. Cause apparente du décès, suicide. Allez-y voir. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit des pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme. Une clarté nouvelle illumine et fait jouer ses apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. J'ai revu celle que j'avais aimée. Transfigurée, radieuse. Oh mort, où est ta victoire, puisque le Messie vainqueur chevauchait entre nous deux. Sa robe était d'hyacinthe soufrée, et ses poignets, ainsi que les chevilles de ses pieds, étincelaient de diamants et de rubis. Quand sa houssine légère toucha la porte de nacre de la Jérusalem nouvelle, nous fûmes tous les trois inondés de lumière. C'est alors que je suis descendu parmi les hommes pour leur annoncer l'heureuse nouvelle. J'ai revu celle que j'avais aimée, transfigurée, radieuse. Le ciel s'est ouvert dans toute sa gloire et j'y ai lu le mot pardon signé du sang de Jésus-Christ. Une étoile a brillé tout à coup et m'a révélé le secret du monde des mondes. Hosanna ! Paix à la terre et gloire aux cieux. Du sein des ténèbres muettes, deux notes ont résonné. L'une grave, l'autre aiguë. Et l'orbe éternelle s'est mise à tourner aussitôt. Sur la cime du mont bleuâtre, une petite fleur est née. Le regard chatoyant d'une étoile s'est fixé un instant sur elle. Malheur à toi, Dieu du Nord, qui brisa d'un coup de marteau la sainte table composée de sept métaux les plus précieux, car tu n'as pu briser la perle rose qui reposait au centre. Elle a rebondi sous le fer. Malheur à toi, Dieu forgeron, qui a voulu briser un monde. Cependant, le pardon du Christ a été aussi prononcé pour toi. Sois donc béni toi-même, ô Thor le géant, le plus puissant des fils d'Odin. Sois béni dans Héla, ta mère, car souvent le trépas est doux, et dans ton frère Loki, et dans ton chien Garnure. Le serpent qui entoure le monde est béni lui-même, car il relâche ses anneaux, et sa gueule béante aspire la fleur d'Anxoka, la fleur soufrée, la fleur éclatante du soleil. Gérard de Nerval, 22 mai 1808, 26 janvier 1855. Anthologie française. La radiodiffusion télévision française vous a présenté Gérard de Nerval, une émission de Georges Charbonnier avec Michel Bouquet, Pascal Mazotti, Henri Virelegeux et Rosy Vart. avec le témoignage de Stanislas Fumet. Assistant René Raymond, réalisation Georges Gravier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 15 octobre 1958. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.